words unspoken, to be broken, feeling our intense, walls are creeping, prison running, cellars of pain, walls are meaningless, unforgettable. I'll ever want you, I'll ever live, it's in my heart. Walls are very unnecessary, they can only Angel of the Sun. Bon, j'y arrive pas, bon. Bon, j'arrête. Parce que c'est pas tempo sur le truc. C'est parce que j'étais tout seul que je faisais là. Ouais, c'est vrai que ça coupe là. Pourquoi ça coupe? C'est combien le tempo? Pas ça. Merde. J'ai essayé de mettre Jappa. J'aime tabac, il veut pas marcher avec ma carte. J'essaye d'enregistrer sur Reaper, mais ça synchronise pas bien.